Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le stade Umucho de Muyinga s'est en partie écroulé ce jeudi matin. Les footballeurs et les autorités divergent sur les causes de cette destruction. Notre correspondant Dongozi s'est dépêché sur les lieux. Il nous décrira ce qu'il a pu voir. Et le président de l'association Nabariza de défense des droits des détenus réclame des sanctions contre les procureurs responsables du surpeuplement carcéral. Dans une conférence de presse jeudi, Jean-Marie Chimirimana a salué l'annonce du président de la République d'initier des mesures alternatives à l'emprisonnement. Et en actualité sportive international, le dernier classement de la World Boxing Club place le Congolais Martin Bakole au rang de numéro 1 mondial des poids lourds. Une grande première pour un boxeur africain qui pourrait offrir aux natifs de Kananga en République démocratique du Congo l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Une partie du stade de football Umucho de Muyinga s'est écroulée ce jeudi matin. Les autorités et les amateurs du ballon rond divergent sur les causes de cette destruction. Le conseiller socioculturel du gouverneur Pierre-Célestin Boniang-Houye parle de travaux de pavage des rues de cette ville au moment où ces derniers évoquent plutôt des défaillances techniques dans la construction de cette infrastructure sportive. Apollinaire Mouzagara s'est dépêché sur les lieux. Cette partie du stade qui s'est écroulée se trouve derrière les bois du terrain fixé côté Tanzanie. Certains des amateurs du football de cette province évoquent le manque de technicité dans la construction de ce stade. Selon eux, les pierres de la fondation sont visibles alors qu'ils devraient être fixés à 2 mètres de profondeur, d'où l'écroulement de son mur. D'autres pourtant, y compris le conseil socioculturel du gouverneur, parlent comme cause de cet incident des travaux de pavage des différentes rues de la ville de Muying. Selon le conseiller Boniang ou Pierre Célestin, on a beaucoup creusé en profondeur à côté de ce stade et les fortes pluies de ce moment en ont profité pour un filtre. Il explique qu'il fallait un mur de soutènement. Ces amateurs du ballon rond de Muying souhaitent que les travaux de réhabilitation de ce stade soient vite faits. Les deux parties s'accordent à dire qu'il y aura un manque à gagner quant à l'argent à collecter lors du match, expliquant qu'il y en a qui vont entrer par force à travers l'endroit écroulé. Il salue tout de même qu'il n'y a pas eu de dégâts humains. Et de Muyinga, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et l'association Nabariza qui milite pour les droits des détenus et leurs familles se dit satisfaite de la récente annonce faite par le président de la République de prendre des mesures alternatives à l'emprisonnement pour alléger certaines peines infligées aux détenus. Au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi, le président de la dite association a indiqué que l'État enregistre des pertes énormes dans la prise en charge des prisonniers. Jean-Marie Chimirimana a demandé des sanctions contre certains procureurs qui sont à la base du surpeuplement dans les prisons. On l'écoute dans cette traduction de Léonidas Kirombo. L'État perd d'abord ses hommes. En deuxième lieu, les familles se retrouvent dans des difficultés car les chefs de ménage sont emprisonnés. Imaginez un papa qui a 4 enfants à nourrir, il devait aussi aller à l'école. S'il regagne par après la rue, c'est l'État qui va perdre et nous aussi Burundais allons perdre parce que nous ne savons pas ce que seraient devenus ces enfants. Cette année, le gouvernement avait prévu à cet effet un budget de 14 800 millions. Combien d'écoles pourraient être construites avec cet argent? C'est une grande somme et malheureusement, ces prisonniers ne sont pas suffisamment nourris. Que deviendra ce procureur qui a fait tout cela? Quand il ne sera plus à cette place, puisque le gouvernement a déjà montré qu'il défend la justice pour tous, qu'il prenne des sanctions, non pas seulement à l'endroit d'un simple citoyen, mais également à ce procureur qui aura détenu les gens en violation de la loi. Il n'a pas le droit de faire du mal aux autres, car lui aussi il peut loger un mimba comme les autres. Des citoyens électeurs qui aident à mettre en place certaines institutions achètent des costumes pour vous. Ne peuvent pas subir tout cela. On recommande qu'avant toute nomination, les instances de prise de décision fassent des enquêtes approfondies pour vérifier que réellement ces gens méritent d'être à cette place. Jean-Marie Nshimirimana, président de l'association Nhabariza, qui milite pour les droits des détenus et leurs familles. Et le parti Sawanya Frodebo vient de rejoindre les autres partis politiques, a lancé un appel vibrant au président burundais et rwandais à privilégier le dialogue sur les problèmes d'ordre diplomatique qui opposent le Burundi et le Rwanda. Dans un communiqué que ce parti a sorti ce jeudi, son président Patrick Nkurunziza appelle les gouvernements de ces deux pays à faire preuve de modération pour éviter la reprise des crises survenues dans le passé, dont les seules victimes ont été les populations de ces deux pays. Suivez Fenia Senigawa, il est vice-président et porte-parole du parti Sawanya Frodebo. Ces derniers jours, le parti Sawanya Frodebo observe un climat tendu entre la République du Burundi et la République du Rwanda. Cela transparaît dans les déclarations faites ces derniers jours par les deux gouvernements. Chaque fois que les tensions montent entre les deux pays, des mesures qui n'arrangent pas le peuple des deux pays sont prises et cela cause beaucoup de problèmes à la population. Le parti Sawanya Frodebo appelle les gouvernements du Burundi et du Rwanda à faire preuve de modération et à privilégier un dialogue diplomatique et fraternel accru. Et le parti Sawanya Frodebo exhorte les dirigeants de deux pays à tirer des leçons des crises passées parce que on a observé que ce sont les peuples qui sont victimes de ces crises. Le parti Sawanya Frodebo demande encore à la communauté de l'Afrique de l'Est, CAC, de tout faire pour s'impliquer dans la résolution des crises qui surviennent dans les pays membres de l'EAC. Nous disons cela parce que nous voyons que cette organisation n'intervient pas convenablement dans des crises des pays membres et cela engendre beaucoup de problèmes. Fenias Nigawa, vice-président et porte-parole du parti Sawanya Frodebo. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le Burundi devrait adopter une gestion rationnelle des dons de la part des organismes internationaux, hein, les affectant surtout dans des secteurs de croissance économique. Suivant les explications d'un expert en économie, cela recouvrerait la confiance au pays en vue d'accéder à des prêts. Alors que le ministre des Finances a récemment déclaré à l'Assemblée nationale que le Burundi n'est pas éligible aux prêts extérieurs, Diomède Nineretse appelle le gouvernement à mettre en place une équipe capable d'œuvrer dans le respect des principes de la gouvernance. Il appartient au gouvernement de pouvoir asseoir une bonne gouvernance pour bénéficier dans notre équipe. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement gérer ce qui existe d'une manière rationnelle. C'est gérer ces fonds de la Banque mondiale. Et pour que cela, d'abord pour avoir ces devises. Du moment où les projets sont donnés en devises, c'est-à-dire que ces devises peuvent servir pour finalement acheter des produits stratégiques, notamment les produits pétroliers, notamment les produits pharmaceutiques, notamment les produits de l'agriculture. D'abord, il faut gérer ce qui existe. Et deux, il faut engager les réformes les plus profondes, notamment la gestion macroéconomique et la gestion plus particulièrement des devises. C'est vraiment de faire la conscientisation de tous ces gestionnaires de projets pour qu'ils puissent comprendre qu'en gérant mal un projet, on met dans une situation inconfortable de la population. La population aujourd'hui se trouve dans une situation dramatique en termes de l'économie. Surtout si on analyse le taux de chômage qui est estimé à plus de 50%, la malnutrition à plus de 50%, la croissance économique à 2% ou même moins, l'inflation à plus de 30%, c'est beaucoup de choses qu'il faut faire. Il faut engager les formes et surtout il faut mettre en place une équipe capable d'orienter cette population en misère, une équipe capable de conduire ce pays vers le destin, qui est le développement, et d'ailleurs qui est ce pays émergent dont on fait référence dans la vision du président de la République. ce pays développé en 2060. On ne doit pas attendre ces années-là. C'est aujourd'hui. Par ailleurs, il y a un auteur qui dit qui ne planifie pas, planifie son échec. Et la vision sans action, c'est un rêve. Et l'action sans action, c'est une peine perdue. Diomède Ninheretse, il est expert en économie. Lamentation des femmes de différentes zones de la commune Mwamba en province Ngozi suite aux nombreux cas de concubinage qui poussent les hommes à vendre des propriétés foncières, causant ainsi beaucoup de difficultés aux femmes qui ne parviennent plus à nourrir leurs enfants. Lors d'une descente ce mercredi du gouverneur dans cette commune en vue de la présentation de deux chefs de zone, au moins 80% des doléances exprimées concernaient le concubinage. Le gouverneur Désiré Minani exhorte les nouvelles autorités à mettre fin à cette pratique en déant 6 mois. On retrouve notre correspondant Ngozi, Apollinaire Muzakara. Dans les zones Mwamba et Gatsinda, où de nouveaux chefs de zone ont été présentés officiellement à la population ce mercredi, le gros des doléances des femmes était lié à leurs problèmes causés par le concubinage. C'est notamment la vente des propriétés foncières par leurs maris qui vont par après louer des maisons avec leurs nouvelles femmes. C'est légalement reconnu. Reste sans propriété, d'où des difficultés à nourrir leurs enfants parmi les concubins. Un chef de colline qui a été limogé sur place. Le gouverneur de la province Ngozi a été étonné par les effectifs des femmes laissées par leurs maris. C'est lorsqu'il a demandé à ces dernières de lever le dos. Désiré Minani demande par conséquent aux autorités de la colline jusqu'à la commune, notamment les nouveaux chefs de zone, à tout faire pour que d'ici 6 mois, tous les ménages de cette commune vivent légalement et aux procureurs de les sanctionner conformément à la loi. Une telle activité de descente sur terrain se poursuit ce jeudi dans les zones Ngoma et Moussassa des communes Gashikanoa et Kiremba en province Ngozi, d'Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et en actualité sportive internationale, après 5 ans passés à la 2e place du classement des poids lourds de la World Boxing Association, Martin Bakole a accédé finalement à la 1e place du classement d'une des 4 grandes fédérations de boxe mondiale, en fait marquant pour le boxeur congolais d'Okananga en RDC, mais aussi pour tout un continent puisqu'il devient ainsi le premier Africain à occuper cette 1e place chez les poids lourds. Il détrône ainsi l'Anglais Anthony Joshua, le Néo-Zélandais Joseph Parker et quant à lui 3e du classement. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous en rappelle les grandes articulations. Le stade Umucho de Muyinga s'est en partie écroulé ce jeudi matin. Les footballeurs et les autorités divergent sur les causes de cette destruction. Et le président de l'association Nabariza de défense des droits des détenus réclame des sanctions contre les procureurs responsables du surpeuplement carcéral. Dans une conférence de presse au jeudi, Jean-Marie Chimirimana a salué l'annonce du président de la République d'initier des mesures alternatives à l'emprisonnement. Et en actualité sportive internationale, le dernier classement de la World Boxing Association place le Congolais Martin Bakole au rang de numéro 1 mondial des poids lourds. Une grande première pour un boxeur africain qui pourrait offrir aux natifs de Kananga en République démocratique du Congo l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.